Laylat al-Qadr, comme vous savez, elle est certainement dans les 10 dernières nuits de Ramadan et elle est dans les nuits impaires. Et elle est dans les nuits impaires. Mais après, est-ce que c'est impair par rapport au début ou par rapport à la fin? Car ça a été rapporté dans des hadiths authentiques que Laylat al-Qadr, une année, a été la nuit du 24, 23, 25, 27. C'est pour ça les savants, ils ont dit cette nuit, elle ne reste pas fixe tout le temps dans la même nuit. Elle se déplace dans les 10 dernières nuits. Et comme le musulman n'est pas à l'abri de l'erreur dans la détermination du début de Ramadan, chose qui leur est pardonnée si jamais ils ont fait le nécessaire et ils ont suivi la législation de l'islam par rapport à la détermination du mois de Ramadan. Ils sont pas blâmés. Mais leur erreur ne va pas changer la Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, elle reste à la nuit dans laquelle Allah Azzawajal l'a prédestinée. Donc c'est pour ça peut être dans les nuits paires, les nuits impaires, yani. En résumé, le seul moyen de ne pas rater cette nuit, c'est de faire des efforts de la même façon, avec autant d'énergie et autant d'efforts dans les 10 dernières nuits. Dans les 10 dernières nuits. Comme faisait le Nabi alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam, c'est l'exemple de toute personne qui veut profiter de Laylat al-Qadr et de ne pas la louper. Et le seul moyen, c'est celui-là.